boy scout, boycott à l'école, colocotte, couillotte, mon collègue, si on colle, anti-skinhead, démarche, zigzaguée, semer la zizanie, MC Mazet, tête, yo, crasse, noisette, malikatin, par la sopatie, entre frères, on sympathise, malgré le genre de jeu de Jean-Baptiste, demain l'apocalypse, trop tard on réalise, que la vie a un sens, toujours plus de sens en fait. Avec la meilleure technique dans ta tête de boy night, avec la main allumée, par arriver, la main allumée, attaque des rapetiques, hip hop, avec la main des pauvres, on va pas perdre, on va péter la main dans les gavailles, comme la queue de mes pédales, boom, bye, bye, c'est que je t'ai levé la queue de high, kick dans ta putain de tête, c'est ta tête de mort, n'est pas la meilleure des solutions, finalisation, sans rationalisation, pour que la procalypse frappe à la main de la meilleure, de la manière que la main de MDC, et en style, venez chercher le succès, la théorie people depuis toujours radical, sur le bitume, les jeunes traînent, c'est la faune OS, MC Malik, la pierre d'ivresse, je suis exceptionnel. Ma crew fait du bruit de Berlin à Sarcelles. Au mic, j'assure à fond dans le drip. Type ma bon style, kiff ma zik. Au MIC, j'ose pose à grosse dose. Marche de ce Malik qui te fait pas l'habiter. A la bonne comme des wak. Mais le wak était pas un brouillon de maniement. Permet des mots, permet de la partie, permet de la part. C'est comme qui n'est que madame et la minute où l'on s'accapare. Petit bâtard, on te montre qu'il a remis la technique de la peau. Sac dégâts de bête, te fait bobo, sardamazo. Oh oh oh, mais MC, mais MC, malégaillé mal.